dessin un mirage sur les gens et leurs visages, apeurés par la raison. Rêve étrange, si doux voyage, quand le temps n'a plus d'orage, je regarde l'horizon. Si je pouvais encore plonger dans l'océan, pouvoir un jour me retrouver. Si je pouvais encore goûter à ces courants, pour retrouver ma liberté. Et je voudrais repartir simplement découvrir, devenir grand, avoir le choix, toucher un peu ce que je vois, mais ce mirage n'existe pas. Par ces reflets de poèmes, je m'envole vers là-haut. Un regard de ce qu'on aime, quand la vie nous donne des ailes, je découvre le plus beau. Si je pouvais encore me porter par le vent, pouvoir un jour trouver de l'air. Si je pouvais encore goûter à ces courants, pour oublier un peu la terre. Et je vous ce mirage n'existe pas. Découvrir, ce mirage n'existe pas.